Elle est venue de l'espace avec des extraterrestres pour menacer notre race et envahir la planète. Ils y étaient presque arrivés avec leur chef à leur tête. Mais le sort m'a désigné pour la reconquête. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Elle est venue de l'espace, elle s'appelle la Lune. Mais elle n'est pas comme ses rapaces, et tout de suite elle m'a plu. Elle aussi s'est mise à m'aimer, et quand j'ai chassé l'oppresseur, avec moi elle est restée, et elle m'a donné son cœur. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Aujourd'hui la mule et moi vivons de belles aventures. Nous partageons notre joie et nous avançons vers le futur. La mule veut m'apprendre à voler, c'est plus moi ce qu'elle m'a dit. Pour rire je veux bien essayer, sans risquer d'y laisser la vie. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les humains, Ronnie, héros de demain. Ronnie, courage mon garçon, Ronnie, sur toi nous comptons. Ronnie, pour sauver les La nuit quand tu me chantes ta chanson, la nuit je suis parcouru de frissons. La nuit car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la nuit est la plus belle. La nuit quand tu me chantes ta chanson, la nuit je suis parcouru de frissons. La nuit car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la nuit est la plus belle. Elle parle des étoiles et de monde magnifique. Sur la lune, elle glisse un voile et tout devient fantastique. Elle chante les galaxies où jamais je ne suis allé. Elle me parle de pays que je ne peux imaginer. La nuit je suis parcouru de frissons. La nuit car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la nuit est la plus belle. La nuit quand tu me chantes ta chanson, la nuit je suis parcouru de frissons. La nuit car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la nuit est la plus belle. On voit couler des rivières, des cristaux multicolores, plein de charme et de mystère. Ça, j'adore. Dans la chanson de la mule, elle a mis son petit cœur. Elle dit que si je ne l'aime plus, elle versera des pleurs. La mule, quand tu me chantes ta chanson, la mule, je suis parcouru de frissons. La mule, car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la mule est la plus belle. La mule, quand tu me chantes ta chanson, la mule, je suis parcouru de frissons. La nuit car ta voix pour moi est irréelle, la chanson de la nuit est la plus belle. L'âme, je suis parcouru de frissons. L'âme, car ta voix pour moi est irréelle. La chanson de l'âme est la plus belle. L'âme, quand tu me chantes ta chanson. L'âme, je suis parcouru de frissons. L'âme, car ta voix pour moi est irréelle. La chanson de l'âme.